La fontaine de la cour Mirabeau. Peut-être un des endroits les plus touristiques d'ici. Un peu comme la tour Eiffel à Paris. On entend des touristes, des motos, des bus, des voitures. Il faut être très très proche de la fontaine pour bien écouter l'eau. Tu entends ?